بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس Bienvenue aux chers frères dans cette assise ونواصل في شرح أصول الإيمان On continue l'explication des fondements de la foi وقد وصلنا إلى الحديث الخامس والتسعين On est arrivé au hadith numéro 95 L'auteur qui nous dit رحمه الله ولمسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Rapporté par l'imam muslim selon Abi Hurairah radiyallahu anhu Parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui appelle à une guidée, il aura la même récompense que ceux qui l'ont suivi, sans que leur récompense ne soit diminuée en quoi que ce soit. Et celui qui appelle à un égarement aura le même péché que tous ceux qui l'auront suivi, sans que leur péché ne diminue en quoi que ce soit. » أيها الإخوة، هذا الحديث عظيم في تعليم الدين. Ce hadith est grandiose dans le fait d'enseigner la religion, d'enseigner le bien. قال ابن عبد البر رحمه الله، هذا الحديث أبلغ في تعليم العلم، في فضل تعليم العلم. والدعاء إليه ابن عبد البر المالكي رحمه الله il nous dit que ce hadith est un des hadiths les plus donc ce qui montre le plus les mérites liés à l'enseignement de la science et le fait d'appeler à celle-ci et donc il est important cher frère que on apprenne notre religion ou à ينبغي لكل منا أن يعلم من حوله على قدر استطاعته. Et donc il convient à chacun d'entre nous d'apprendre notre religion et d'enseigner à ceux qui sont proches de nous en fonction de nos capacités. وَذْكُرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Rappelez-vous la parole d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Et qu'il y a parmi vous un groupe qui appelle au bien. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Et qui ordonne le convenable et qui interdise le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Et ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux qui vont essayer de faire changer les autres. Naam, tu vas te faire critiquer, c'est obligé. Patiente dessus. Montre aux gens la vérité. Aujourd'hui, on est arrivé à une époque où vous savez très bien, les choses sont difficiles. Dunya. Efforce-toi d'appeler les gens au bien et d'interdire le mal. Fais, ayol ikhwa, men da'a ila huda. كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ Au chef car celui qui appelle quiconque, qui appelle les gens au bien, à une guidée, il a une grande récompense. فَكُلُّ مَنْ تَبِعَهُ فِي ذَلِكَ وَأُجِرَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرٌ Et donc toute personne qui l'a suivi dans cette guidée et qui est récompensée par cela, lui aussi il a cette récompense. C'est énorme. فَتَأَمَّلُوا فِي مَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَى السُنَّةِ Méditez, oh chers frères, concernant celui qui appelle les gens à la sunna. T'es là, tu fais tes efforts, تَجْتَهِدْ تُبَيِّنْ لِلنَّاسِ مَا هِيَ السُنَّةِ تَحُثُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ tu montres aux gens donc l'importance de prier à la mosquée. Tu leur montres l'importance de s'accrocher à la sunna. Méditer, oh chers frères, sur ce grand bien. Il n'est pas normal qu'on soit gêné. Ah, on est gêné, etc., etc. Est-ce que les gens de l'égarement, ils sont gênés? Je vous pose une question. Est-ce que les témoins de Jéhovah, ils sont gênés de venir toquer à votre porte? Est-ce qu'ils sont gênés? Ils ne sont pas gênés. Hein? Est-ce qu'ils sont gênés de poser des écrits ou des livres dans vos boîtes aux lettres? Ils ne sont pas gênés. Pourquoi nous, on est gênés? Pourquoi nous, on est gênés? Et donc, il faut qu'on pense à ça, au cher frère. Barakallahu fikoum. Wa fil hadith khataru man da'a ila dalala. Il y a dans le hadith aussi le danger de celui qui appelle les gens à un égarement. Le danger de celui qui appelle les gens à un égarement. On a cité pendant la khutbah ceux qui appellent les gens à se rebeller contre leur gouverneur. Subhanallah, ya ikhwata, ammelou. Méditez sur les péchés de ces gens-là. Tout un peuple qui se lève contre le gouverneur et qu'ensuite le pays finit en bain de sang. Méditez, oh chers frères, méditez sur ceux qui ont participé à ça. Hein? Avec Al Jazeera, ah, t'as vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, t'as vu, regarde, regarde. Hein? Méditez le nombre de personnes qui ont participé à envoyer des vidéos, etc. Vous savez, les vidéos qui touchent. Aujourd'hui, ce genre de personnes qui appellent les peuples à se soulever, ils ne viennent pas avec des vidéos, qu'on Allah, qu'on Rasulullah, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Non, ils ne viennent pas avec ça. Ils viennent avec des vidéos avec une petite musique qui va toucher ton cœur. Hein? Une musique un peu triste. Ils viennent avec des vidéos avec un peu de sang, un bébé qui a du sang. Hein? Ils viennent avec des vidéos avec des gens qui sont riches d'un côté, des gens qui sont pauvres. Et ils te disent, regarde, regarde, qu'est-ce que tu fais? Et hop, les gens ils partent. Ou alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ah, copier, coller, transférer. Et ils envoient. Et comme ça, on participe au péché. Et comme ça, on participe au péché. Et donc, oh chers frères, il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on fasse très, très, très attention à ça. La même chose, cette chose, donc nos frères maghrébins et les pays arabes, ils ont été touchés par ce problème. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est chez les peuples de l'Afrique noire. Maintenant, ça arrive en vague. Hein? Avec les soi-disant urgentistes du panafricanisme. Faites attention, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces gens-là qui appellent les peuples entiers à la mécréance. Et donc, on doit faire attention, chers frères, à ne pas participer à ce désordre, à ce fauda. Tayyib, quand yakoulou qu'il, Aya Abdel Karim, nahnu ra'ayna fi rudud ya al-nasara, anna man qala bi qawli an-nasara, ay annana an-nasara yaroun أن الطفل المولود يحمل وزر آدم. وقد ردنا على ذلك. On a vu que les chrétiens, ils voient que l'enfant qui naît, il naît avec le péché de Adam. Et on a répliqué à cette ambiguïté que on ne peut pas être responsable des péchés des autres. Vous allez me dire, comment ça se fait que ici, tu veux me dire que une personne qui appelle à un égarement, tous ceux qui l'ont suivi, lui aussi, il va prendre le péché de tous ces gens-là, alors que ce n'est pas lui qui l'a fait. On va vous dire, « Man tasabbaba fi shay'in, fatabi'ahu an-nas 'ala dhalika, falahu al-ithm. » Celui qui est la cause d'un mal, et que les gens ils le suivent dans ce mal-là, alors il prend le péché de tous ceux qui l'ont suivi, car c'est lui la cause. Car c'est lui la cause. Contrairement aux chrétiens, dans quel péché l'enfant il a suivi Eden? Dans quel péché il a suivi? Et donc, il faut qu'on fasse attention, chers frères. El aslu anna kullan yahmilu wizrahu. La base, c'est que chacun donc est responsable de son péché. Illa idha kana al mar'u sababan fi awzar al akharin. Sauf si l'individu est responsable, il est une cause des péchés des autres. Là, il prend sa part de responsabilité. وقد استدل أهل الأهواء والبدع بهذا الحديث على جواز البدع. Les gens de l'innovation et des passions, ils se sont appuyés sur ce hadith pour dire qu'il est permis d'innover dans la religion. Il est permis d'innover. Mais pas sur cette narration, sur ce même hadith, mais une autre narration qui est toujours dans Sahih Muslim, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihi shay'a » Et donc celui qui « sanna fil islam » qui applique dans l'islam une bonne sunna, alors il a la récompense de cette sunna qu'il a appliquée. Et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi après cela, sans que leur récompense ne soit diminuée en quoi que ce soit. Wa nahnu dhakarna fi ad-durus al-madiyah anna hadhihi al-lughah al-lughah al-arabiyyah ka ghayriha min al-lughat tataghayyar hasb al-azmina. On a cité aux chers frères que la langue arabe, comme les autres langues, elle change, elle évolue avec le temps. Le français dont nous parlons aujourd'hui n'est pas comme le français qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, que dire donc de la langue arabe où il y a plus de 1400 ans ? C'est pour ça que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit « Man arada fahma an-nusus fahman sahihan » La Bouddha an yafhama hadhihi al-lugha kama fahimuha hum al-qawm. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Il dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, celui qui veut comprendre correctement les textes de la législation, il doit les comprendre de la même façon, il doit comprendre la langue arabe comme eux, ils l'ont compris. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et donc on doit regarder tel terme, dans quel contexte il est utilisé, etc. Et donc, eux, ils ont compris le terme « sanna fil islam et sunnatan hasana ». Et donc, ils ont compris par cela donc, le fait d'inventer dans l'islam une bonne sunna. Celui qui invente dans l'islam une bonne sunna, alors il a la récompense de tous ceux qui l'ont suivi en cela. Non. Ce qui est voulu ici, « هذا الحديث له قصة يبين لنا المعنى » Ce hadith, il a une histoire, il est lié à une histoire qui nous montre la signification. C'est un homme, un homme qui avait donc besoin d'aide. Il avait besoin d'aumône. Il est venu demander aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, ils hésitaient. Ils hésitaient. Ils n'ont pas montré donc qu'ils étaient aussi motivés que cela. Alors, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il a donné une grosse aumône. Lorsqu'il a fait ça, les autres qu'ils ont suivis, ils ont suivi. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole. Taïb, est-ce qu'il a dit cette parole pour une innovation ? Là, Abadan, il n'y a pas eu d'innovation. Une aumône qui a été donnée. Et donc, celui qui a appliqué une sunna, celui qui appelle au bien. Et donc, il est important de comprendre correctement les textes de la législation. Est-ce que ceci est leur seule preuve ? Non. استدلوا كذلك بحديث بلال. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith de Bilal, c'est-à-dire l'histoire de Bilal. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بلالا في الجنة فسأله عن عملي. Le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu Bilal au paradis et l'a interrogé concernant les œuvres qu'il fait. Alors il a dit Bilal رضي الله عنه إنه لا يتوضأ وضوءا إلا صلى بعده ركعتين. Bilal il a répondu qu'il ne fait pas ses ablutions sans avoir fait après ses ablutions deux unités de prière. À chaque fois qu'il fait ses ablutions, il fait ركعتين à chaque fois. Ils ont dit انظروا ها هو بلال ابتدع بدعة حسنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. Ils te disent regardez Bilal ici il a innové. Il a innové, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Bilal, il l'a fait. Et c'est une cause pour qu'il rentre au paradis. J'avais entendu un prédicateur français dire la même chose. C'était qui ? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Alhamdulillah, sallamana Allah tabaraka wa ta'ala min sharrihi. Et donc, comment on répond à ça ? Il a fait la prière. Hein ? Il a fait la prière, c'est tout. Oui, mais là, la prière, on a déjà vu, concernant un acte d'adoration, il faut que ton acte d'adoration soit conforme à la sunna pour six points. Parmi les points, on a cité la cause. La cause. Parce que si maintenant tu me dis, il a juste fait la prière, la personne qui récite Fatiha le jour du mariage, il va te dire, on a juste récité Fatiha. Ça, oh là là. Tu veux dire Fatiha, mais comment ça Fatiha c'est une bida? Il va te dire Fatiha bida, a'oudhou billah. Nahnu fi salawat nabtadi'. Non, mais pourquoi c'est bien fait pour le mariage? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ah ben là, il va te dire, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait rakatin après les ablutions. C'est-à-dire? Là, non, parce que là, c'était hauna bilal. قرن الصلاة بالوضوء فهذه الصلاة ذات سبب الى بلال الى lié la prière aux ablutions, c'est une prière qui a une cause. Comment on fait pour répliquer ya jamaa? Heureusement vous avez pas entendu Tariq Tariq Ramadan ce jour-là. Non. Ya jamaa barakallahu fikoum. Il y a peut-être eu un dars pour ça. Hein? Il y a peut-être eu un dars. Comment s'appelle Une révélation? Une révélation? Non. Non. La réponse, elle est dans le hadith. An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aqarra Bilalan ala dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé Bilal sur cela. Parfois, les compagnons, ils faisaient des choses. Kanu ahyanan yaf'aluna ashya. Fa-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yukirruhum aw yunkiru alayhim. Le prophète, soit il approuvait, soit il rejetait. Comme celui qui a dit, Inni la akulu ta'am. Celui qui a dit, je ne mangerai plus. Celui qui a dit, je ne dormirai plus, je fais qiyam al-layl, etc., etc. Celui qui a dit, Anala atazawajun nisa, je ne vais pas me marier. Le prophète, il a reproché. Et donc, il pouvait arriver que le prophète, il reproche, ou qu'il approuve. Et on a vu, es-sunnah. C'est pas que sunnah al-kawliya. C'est pas que les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas non plus que sunna fi'liya, c'est pas non plus que les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi as-sunnatul ikrariya. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a approuvé. Il a approuvé quelque chose, khalas, c'est sunna, même si c'est pas lui qui l'a fait. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala la yatruku ha'ula as-sahaba ala dalala. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne laisse pas les compagnons sur un égarement. S'il y en a un qui fait quelque chose de blâmable, Allah tabaraka wa ta'ala yukhbiru nabiyahu bidhalik. Thumma yunkiru alayhi. S'il y en a un qui fait quelque chose de blâmable, Allah azza wa jal, il informe le prophète de cela. Et ensuite le prophète, il rejette, il le blâme. Thumma ja'at al-aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. C'est fini. Ensuite, le verset il est venu, aujourd'hui, nous avons parachevé pour vous votre religion. C'est fini. À partir de là, c'était terminé. Il n'y avait plus de ijtihadat, et ensuite le prophète, il approuve ou il approuve pas. Non, c'est fini. La religion, elle est complète. Et donc, faites attention à cette ambiguïté, les frères, barakallahu fikoum. On a dans la sunna, sunnatul ikrariya, ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé. وأيضا أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعده تأملوا أيها الإخوة قلنا كل من دعا إلى هدى فتبعه الناس ولا ذلك فله أجر كل من تبعه. On a dit toute personne qui appelle à une guidée et que les gens le suivent dans cela, alors il a la récompense de tous ceux qui l'ont suivi. أيها الناس تأملوا في أجر النبي صلى الله عليه وسلم. Méditez sur la récompense du prophète صلى الله عليه وسلم. Tous ceux qui l'ont suivi dans cette communauté. طيب تأملوا في أجر الصحابة الذين بلغوا لنا. Méditez la récompense des compagnons, ceux qui nous ont transmis. ce qu'ils nous ont transmis. Et c'est pour cela qu'on le dit franchement. Qata Allahu tabaraka wa ta'ala lisana man kaffara haula'i sahaba. C'est grave. Comment tu pries aujourd'hui si ce n'est pas les compagnons qui t'ont rapporté cela? Comment tu fais? Et donc c'est important, cher frère. C'est important qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour le brin, pour le bienfait qu'il nous a accordé. Hein, et qu'on n'oublie pas d'invoquer pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur il nous dit walahu, selon lui, c'est-à-dire l'imam muslim. An Abi Mas'udin al-Ansari radiyallahu anhu kol. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي قال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Et donc apporté dans le recueil de Muslim selon Abi Mas'ud al-Ansari رضي الله عنه qui dit qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ô messager d'Allah, innahu ubdi'abi, certes, ma monture a péri. Ma monture a péri, elle n'avance plus. Alors, est-ce que tu peux donc me prendre avec toi ? Me prendre avec toi afin que je puisse donc me déplacer. Est-ce que donc tu as une monture pour moi ?» Le prophète qui lui dit « Ma'in dit, je n'en ai pas. » Alors un homme a dit, ô messager d'Allah, moi je veux lui montrer quelqu'un qui pourra donc lui laisser une monture qui va l'aider à se déplacer ou à transporter ses affaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre un bien, il a la récompense de celui qui le fait. Il a la récompense de celui qui le fait. Tayyib, ayyou al-ikhwa, هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة وهي التعاون على الخير. Ce hadith, il nous montre un point important, le fait de s'entraider dans le bien. Il y a ici un rajout concernant le hadith précédent qui nous montre quelque chose de vraiment magnifique. Je vous lis la parole de Cheikh Al-Fawzan, حفظه ta'ala. Il nous dit والدلالة على الخير تشمل الخير المعنوي وتشمل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم النافع ويدخل في ذلك من دل أحدا على آخر يعينه كمن دل محتاجا على واحد من المحسنين ليعينه فله من الأجر مثل أجر المحسن الذي حقق طلب هذا المحتاج. Et donc il nous dit, le fait de montrer le bien, cela englobe le bien donc au sens figuré, c'est-à-dire donc toute forme de bien que tu peux faire. Et il nous dit aussi, mais cela englobe aussi le fait d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala et le fait d'enseigner une science profitable. Et rentre dans cela le fait qu'un individu qui va montrer à un autre une personne pour l'aider. C'est-à-dire que toi, il y a quelqu'un qui vient te voir qui te dit « Ya akhi, j'ai besoin de ça pour qu'on m'apprenne à faire telle chose et tout » et tu dis ah, j'arrive pas à trouver le temps, j'arrive pas à trouver l'argent, ou j'ai pas les moyens, tu lui dis, attends, tu vas aller voir un autre frère, Yahri, est-ce que tu peux l'aider pour ça? Le frère, il l'aide, tu as la même récompense que celui à qui l'a aidé. Tu as la même récompense que celui qui l'a aidé. Il nous dit, il nous donne un exemple, comme une personne qui montre un besogneux, qui lui montre une personne qui peut l'aider. Alors il a la même récompense que le muhsin, le bienfaisant, qui va aider ce besogneux. Subhanallah, quelqu'un vient te voir et te dit, « Akhi, billah yalik, j'ai besoin de 300 euros pour ci, ça, ça. » Tu dis, « Franchement, j'ai pas. Attends, je vais voir Ali. Ya Ali, est-ce que tu peux me passer 300 euros pour un tel ?» Et tout, Ali va lui donner, « Mashallah, tu as la même récompense que Ali. » Alhamdulillah. Et donc, c'est important, chers frères, le fait qu'on s'entraide dans le bien. Notre religion est une religion qui nous appelle à nous entraider dans le bien. Et le dernier hadith qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est dans le même sens. An Amr ibn Auf, radiallahu anhu marfu'an, من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. Et donc selon Amr ibn Auf, radiallahu anhu, qui attribue cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, celui qui donne vie, qui redonne vie, donc ici, ahya, ce qui est voulu ici, c'est le fait de redonner vie à une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est morte, c'est-à-dire une sunna qui est délaissée. Le fait, donc dans ce hadith, celui qui redonne vie à une sunna qui a été délaissée, alors il a la récompense de ceux qui ont œuvré avec celle-ci parmi les gens, sans que leur récompense ne soit diminuée en quoi que ce soit. Et celui qui appelle à une, celui donc qui innove, une innovation qu'Allah et son messager n'agréent pas, alors il a le même péché que tous ceux qui l'ont suivi parmi les gens, sans que leur péché ne soit diminué en quoi que ce soit, rapporté par At-Tirmidhi, qu'il a jugé correct, ainsi que Ibn Majah. Et ces termes, les termes qui ont été cités dans le hadith, là, c'est les termes de Ibn Majah. أيها الإخوة هذا الحديث كما ذكرته لكم جاء عن عمر ابن عوف comme je vous ai cité ce hadith il nous a été cité par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam Amr ibn Auf qui nous l'a rapporté de Amr c'est son fils Abdullah qui nous l'a rapporté de Abdullah c'est son fils Kefir et donc la chaîne de transmission عن كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده. Selon كثير ابن عبد الله, selon son père Abdullah, selon son grand-père Amr. Le problème qu'il y a donc dans cette chaîne de transmission, c'est que كثير كذبه العلماء. Les savants disent que c'est un menteur. وعابوا على الترمذي إخراج حديثه في كتابه. Les savants, ils ont blâmé le fait que Tirmidhi, il cite le hadith de cet individu, donc de ce menteur, dans son livre. Parce que c'est blâmable chez les savants le fait de citer des hadiths avec des menteurs dans la chaîne de transmission. C'est très blâmable chez les savants. Et donc, ils ont blâmé Tirmidhi par rapport à cela. Al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait concernant Kefir ibn Abdillah? Al-Shafi'i, il disait une parole, il disait كان ركنا من أركان الكذب. Il disait cet homme-là, Kefir ibn Abdillah, c'était un pilier parmi les piliers du mensonge. Un pilier parmi les piliers du mensonge. Lorsque tu étudies ilm al-hadith, et qu'ensuite tu étudies les dirajah des rapporteurs, fiqh, ou alors imam, etc., etc. Donc, on commence avec les rapporteurs qui sont fiables. Ensuite, on descend petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive au menteur. Lorsque tu arrives au menteur, les savants, ils te donnent des exemples. Lui. Voilà, les exemples qui sont cités. Et donc, ça, c'est pour vous montrer comment, donc, il faut faire attention lorsqu'on étudie les livres, donc, les livres de religion de façon générale. Comme on a certains frères parfois qui vont prendre certains livres de hadith, ils viennent, ils l'appliquent sans savoir si c'est authentique ou pas. Il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikoum. Alhamdulillah, les savants, ils ont fait le travail pour nous montrer ce qui est authentique, ce qui n'est pas authentique. Ça, c'est pas ma recherche à moi personnellement, mais juste je le prends, je profite des recherches de nos ulama. Alhamdulillahi rabbil alamin. On arrête là pour aujourd'hui et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا